Le pouilleux. Au mois de septembre dernier, quelques personnes qui se promenaient le long de la rivière rencontrèrent sur la grande route un pauvre diable de soldat qui leur demanda l'aumône fort poliment. Il reçut pièce blanche, et aux questions qu'on lui posa, répondit qu'il s'en retournait à son village. Il arrivait de telle ville, où il était resté en garnison exactement 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Mais si maltraité qu'il n'avait de tout ce temps couché dans un lit, ni ôté ses vêtements. En parlant, il se grattait des ongles aussi durs que s'il avait voulu graver la pierre, et il tortillait du dos, de la hanche, du derrière, des épaules et des genoux, comme un malade dans une crise du haut mal. C'est qu'il était criblé de millions de milliasses de poux. Et cette pouillerie qui, depuis 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours, n'avait plus eu à manger que sans boire, sentant tout à coup la fraîcheur de l'eau voisine, sautait, ruait et se cabrait comme un cheval qui ne veut plus passer outre l'écurie. Bientôt même, on la vit tendre si avidement vers la rivière que le pauvre homme ne put résister à leur impétuosité. Il fut entraîné dans le courant et s'y fut immanquablement noyé. N'eût été un gros estoc de saules rouges, justement là planté au bord, et où il put s'accrocher en tombant. On courut à son secours, on lui donna la main. Mais les poux altérés résistaient si vigoureusement qu'il fallut, pour tirer l'homme à terre, qu'on leur abandonna ses nippes pièce à pièce jusqu'à la chemise. On vit alors les loques s'enfoncer dans l'eau, tant elles étaient chargées de cette méchante vermine. Les méchants voudraient que périssent jusqu'à ceux-là qui les nourrissent.